Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezoa dans le rôle de Carl Terob, Florence dans le rôle de Chararine, Pierre dans le rôle du Barbu, Bernard dans le rôle du professeur informatique et Claude Covofarchi dans le rôle d'Hélène Marche. Chapitre 10, Fuite et fouille. Xena, attaque! Hé, hey, non! Attendez! Retenez votre éniche! Filons! Le barbu a laissé tomber son plateau repas et a pris la fuite devant Xena. C'est bon pour nous, ça. L'intersection! Quelle couleur prenons-nous? Celui du centre. Il mène directement au stationnement. Va pour celui du centre! Je n'y arriverai pas. Ma cheville me torture chaque fois que je pose le pied. Tu ferais mieux de me laisser là et de partir sans moi. Pas question. D'ailleurs, le problème ne se posera plus sous peu. Regarde qui voilà. Xena. Tu vois, elle nous invite à monter sur son dos. Tu crois qu'elle peut nous porter tous les deux? En tout cas, elle en est persuadée. Tu es prête? Tu te tiens solidement? Oui. Alors allons-y! Qu'est-ce qu'on fait? Une porte nous bloque le passage. Je m'en occupe. Le menteur. Je l'avais oublié, celui-là. Le stationnement. Nous y sommes. L'alerte a été donnée. Ice, on a allumé tous les projecteurs. Vite, il faut retrouver le glisseur. Si on nous attrape, nous sommes perdus. Le voilà. Allez, Xena, entre vite! À toi maintenant, Carl! J'y suis. Vite, Chara, vite! Décolle, vite! Ils sont des dizaines à sortir du complexe. S'ils nous prennent... Je sais! C'est étrange, aucun glisseur ne nous poursuit. Peut-être avons-nous pris trop d'avance pour qu'on ait jugé utile de nous donner la chasse. Peut-être. Bon, que fait-on maintenant? Le point. Que sait-on avec certitude? Pas grand-chose. Nous savons que les bébés éniches ne sont pas au Jolet. J'en ai certain. Certain. Xena les a cherchés tout le temps que nous y étions et ne les a pas sentis. D'accord. Alors, où sont-ils? Aucune idée. Mais je connais quelqu'un qui doit le savoir. Qui? Hélène Marsh. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elle était la principale collaboratrice de Nessun, non ? Si. Et tu crois qu'elle en sait plus que ce qu'elle a avoué à la sécurité ? J'en suis persuadée. Elle mentait quand elle disait n'être au courant de rien. D'ailleurs, la sécurité la soupçonne sûrement d'être mêlée aux enlèvements. Sinon, pourquoi l'interroger ? Et alors ? Alors, une petite visite à son domicile nous en apprendrait peut-être beaucoup, tu ne crois pas ? Probablement. Attends, je consulte le réseau. Prof ? Oui, Karl ? Tu peux m'indiquer où réside le professeur Hélène Marsh ? Un moment. Hélène Marsh habite Azit. Azit ? Il s'agit d'un mot situé à une trentaine de kilomètres au sud de la chaîne du péril. Voilà qui est intéressant. En quoi ? La très grande majorité des chercheurs du Jolet habitent le complexe ou très près. Pourquoi Hélène Marsh a-t-elle choisi d'habiter aussi loin de son lieu de recherche ? Avec notre climat, nos tempêtes, ça ne doit pas être commode. En effet. Nous y sommes. Azit. Selon les indications du réseau, elle habite ce dôme isolé là-bas. Entendu. Je vais me poser tout près, dans la section laissée dans l'ombre par les lunes. Zena nous accompagne ? Oui, son flair nous sera utile, et entre toi et moi, sa présence me rassure. Oui, moi aussi. De toute façon, avec ma cheville, il vaut sans doute mieux l'avoir près de moi. Sans doute. J'apporte la lampe torche, au cas où. La porte extérieure du sas du dôme est verrouillée. Avec un peu de chance, il n'y a personne. Où Hélène Marsh a verrouillé avant d'aller dormir. Il n'y a qu'une façon de le savoir. C'est d'aller voir. Un petit coup de menteur et... Pas de lumière. Un petit coup de lampe torche. C'est mieux. Faisons d'abord le tour du propriétaire pour nous assurer qu'il n'y a personne. Ouf, personne. Ça va nous faciliter les choses pour fouiller les lieux. Qu'est-ce qu'on cherche au juste ? Tout indice qui pourrait nous mettre sur la piste d'où viennent nos vies. C'est vaste. Ça peut être n'importe quoi. Je sais. Il y a une sorte de mini-laboratoire qui communique avec la chambre à coucher. Commence par là. Je me charge de la chambre. D'accord. Ce serait quand même plus facile si j'avais une idée précise de ce que nous cherchons. Des papiers, des documents informatiques, n'importe quoi d'intéressant. La porte du sas. Quelqu'un arrive, cachons-nous. Se cacher, elle en a de bonnes. Mais où ? Ce placard ? Non, pas le temps. Sous le lit, vite. Ice, il y a déjà quelqu'un. Shara. Dans l'énervement, je ne l'avais pas vu s'y glisser. Mais où est Xena ? Bien cachée, j'espère. J'ai l'impression de reconnaître ses souliers de femme. Mais où les ai-je déjà vus ? En m'étirant un peu, je crois que je pourrais apercevoir le visage de la personne à qui ils appartiennent. Hélène Marsh ! Évidemment ! Qui d'autre ? Mais que fait-elle ? Elle ramène deux valises ! Elle va les poser sur le lit. Et la voilà qui repart. Et qui revient. Avec une troisième valise. Part-elle en voyage ou quoi ? C'est quand même suspect ce départ hâtif. Surtout après l'interrogatoire que lui a fait subir la sécurité plus tôt aujourd'hui. Voici qui semble confirmer les convictions de Shara. Hélène Marsh est impliquée dans les raps de Hainish. Et maintenant que la sécurité la talonne, elle prend la fuite. C'est inacceptable. Il faut l'arrêter. Oui ? Ah, Hélène. Enfin, tu es rentrée. Tout juste. La sécurité m'avait interdit de quitter le complexe tant qu'elle n'aurait pas terminé de fouiller le dôme de génétique et d'éplucher mes dossiers. Elle n'a rien trouvé, j'espère. Bien sûr que non, qu'est-ce que tu crois ? Mais je m'attends à ce qu'elle vienne fouiner par ici dès demain. J'ai sorti mes valises. Je déménage au secret. Mais que fait donc Shara ? La voilà qui se glisse de l'autre côté du lit. Si elle n'y prend garde, Hélène Marsh va l'apercevoir. Est-ce bien sage ? Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ouf ! Voilà Shara qui revient. Je me demande ce qu'elle a encore manigancé. Si tu disparais, les agents de la sécurité s'acharneront encore davantage. Ils ne lâcheront pas le morceau aussi facilement. Peut-être, mais ils ne me trouveront jamais au secret. Tu devrais y rester un bon moment. Je sais. Si Nessun n'avait pas tenté d'emmener un Hainish hors planète, nous n'en serions pas là. Maudit soit ce vieux fou. En passant, tu sais la fille que j'ai surpris à espionner ? Oui, qu'est-ce qu'elle a ? Elle s'est échappée. Quoi ? Un jeune et une grosse Hainish ont réussi à la libérer. Une grosse Hainish ? Oui, une des plus grosses que j'ai jamais vues. Je n'aime pas ça. Il y avait une grosse Hainish avec le dernier bébé qu'on a enlevé. Sa mère, sans doute. Je sais. Mais tu m'as dit que Rob l'avait tué. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Il l'a carrément empalé. Mais si une Hainish est sur nos traces, avec le lien télépathique qui unit ces bêtes... Mais non, voyons. Les petits sont dans une cage blindée. Même leur mère ne pourrait les sentir. Aucun risque à prendre. Retrouve la fille, le gars et la Hainish. Et qu'est-ce que j'en fais ? Élimine-les. Apparemment, Hélène Marsh a terminé ses bagages et se prépare à fuir. Il faut l'arrêter. Aïe, Shara ! Pourquoi diable m'a-t-elle planté ses ongles dans le bras ? Il faut pourtant arrêter Hélène Marsh. Ice ! J'avais oublié la troisième valise. Heureusement que Shara m'a retenu. Maintenant. Mais Shara ne m'a pas suivie ? Que fait-elle encore ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle va nous échapper. Pas de danger. J'ai placé un localisateur dans une de ses valises.